Quatrième chapitre, le départ. Banni de la cour de son père, seul au milieu d'une cour étrangère aux affections de son enfance, on eût pu croire que Lodovic se reportait avec regret vers les objets aimés dont il était séparé, et que son âme ambitieuse aspirait secrètement à ressaisir le pouvoir qu'on avait arraché de ses mains. Il fuyait la chasse et les festins bruyants, il se montrait rarement dans les fêtes. On le voyait souvent se perdre sous les allées ombreuses de la forêt pour ne reparaître que le soir bien tard à la table du comte Erec. Là, entre le vieux comte et Piala, il semblait oublier qu'il avait une autre patrie et que des destinées brillantes l'attendaient peut-être dans une contrée lointaine. Il racontait au vieillard les terribles batailles auxquelles il avait assisté, et le vieillard disait à son tour les combats de géants que s'étaient livrés de son temps les Bretons et les Danois. Piala, qui s'abandonnait naïvement aux délicieuses impressions d'un amour pur, écoutait les récits du jeune et du vieux guerrier et semblait oublier elle aussi que sa main était promise à Alain et que jamais, sans doute, sur cette terre, le sentiment qu'elle éprouvait ne trouverait sa satisfaction. Lodovic sentit enfin sa fausse position vis-à-vis de ses hôtes. Peu à peu déjà, l'image d'Ella s'était éloignée et il l'avait vue se dresser tout à coup devant lui au moment où il y pensait le moins. Ella avait perdu sur son esprit la puissance d'un souvenir, elle n'avait plus que celle d'un remords. Lodovic ne se demanda pas en vain la cause de ce changement. Il devina bien vite que Piala n'y était pas étrangère et résolut presque aussitôt de s'affranchir pour toujours de ce nouveau sentiment qui menaçait de s'emparer de lui. Son projet fut sur le champ arrêté et quelques jours après la scène que nous avons racontée, il se présenta à elle. Celle-ci ne s'attendait pas à le voir. Elle rougit et baissa les yeux. « Piala, dit Lodovic en s'avançant d'un pas assuré, je viens vous dire adieu. »« Vous partez ? » dit-elle. « Je pars, répondit Lodovic. J'ignore vers quelle terre hospitalière je porterai mes pas, mais je ne veux point rougir plus longtemps de mon indigne repos, et avant de mourir, j'espère que mon nom méritera encore une fois d'être chanté par les bardes de ma patrie. »« Vous partez ? » répéta Piala atterrée. « Par-delà vos montagnes, reprit Lodovic, bien loin d'ici est un pays fertile, baigné par un large fleuve et habité par des guerriers redoutés. C'est là que je suis né. Mon père y possède d'immenses domaines sur lesquels je dois régner un jour. 1000 souvenirs s'attachent au sol où l'on a vu le jour. C'est cette contrée, c'est mon père que je veux revoir. C'est aussi, vous le dirai-je, la femme aimée que j'y dois retrouver. » Piala garda le silence, mais un mouvement convulsif agita ses membres. Elle posa ses bras sur son cœur brisé et levant enfin vers Lodovic ému ses deux grands yeux noirs. « Je l'avais prévu, » dit-elle en essayant de raffermir sa voix tremblante. « Cela devait être. Vous étiez étranger. Un jour devait venir où l'amour vous rappellerait vers votre patrie. Moi qui ai vu le jour sous un autre ciel, qui ne tiens à ce pays que par un faible lien, qui sans doute va se briser bientôt, je comprends la puissance des regrets qui vont vous éloigner pour toujours de ceux que vous avez à peine connus. » Elle s'interrompit un instant et reprit avec plus de force. « Allez donc, Lodovic, quittez à jamais cette terre sauvage dont le soleil détourne ses regards. Allez vers les contrées où vous comptez de nombreux vassaux, et si les prières d'une femme peuvent appeler sur votre front les bénédictions du ciel, de grandes joies vous seront réservées et vous vivrez de longs jours au pays de vos pères. » Puis elle ajouta, mais avec moins de fermeté cette fois et en lui tendant la main, « Adieu encore une fois, adieu. Au milieu des nouvelles destinées qui vous sont offertes, souvenez-vous de votre séjour parmi nous et pensez quelquefois à ceux qui ne doivent plus vous oublier. » En ce moment, de joyeuses fanfares retentirent dans la cour de la ferme et Lodovic s'arracha du lieu de cette scène douloureuse pour aller rejoindre le comte Erec. Cependant, en quittant Piala, il obéissait plutôt à un mouvement de curiosité qu'à toute autre pensée. En effet, La fanfare qui venait de retentir avait réveillé dans son cœur un écho depuis longtemps endormi. Il lui sembla l'avoir déjà entendu à la cour de son père. C'était comme la voix du passé qu'il arrachait tout à coup aux préoccupations du présent. Le fils du comte Erec, averti de son départ, avait-il voulu le saluer du bruit de cette fanfare comme d'un noble adieu fait à un hôte aimé? Était-ce simplement le hasard? Toujours est-il que Ludovic arriva le cœur plein d'émotion à la porte de la grande salle où l'attendaient le comte, son fils Alain et une foule de guerriers bretons, leurs vassaux. Un spectacle singulier frappa alors ses regards. Le comte Erec était assis au milieu de la salle, ayant à sa droite son fils et à sa gauche le juge de la cour. Derrière eux se tenaient, debout et découverts, les vassaux de leur domaine revêtus chacun des insignes barbares de leur dignité respective. En face de ce groupe imposant, quatre seigneurs, qu'à leur costume, Ludovic reconnut pour des guerriers francs, étaient assis dans une attitude respectueuse. Tous gardaient le silence, attendant sans doute l'arrivée d'un personnage important. À l'aspect de cette assemblée vénérable, Ludovic s'arrêta sur le seuil de la porte, indécis s'il devait avancer ou demeurer à sa place. Mais le vieux comte avait déjà descendu les marches de l'espèce de trône sur lequel il se trouvait, et, allant à lui, il dit en le présentant au seigneur franc : « Seigneur, voici Ludovic lui-même, le fils de votre maître, celui que vous êtes venu chercher dans ma demeure. Il est noble et brave, éprouvé par l'adversité. Il a retrempé son âme dans l'exil, et vous le retrouverez digne de monter sur le trône de son père. » Les quatre seigneurs s'inclinèrent à la fois devant Ludovic, et le plus âgé d'entre eux, ayant pris la parole, raconta alors comment le père du jeune chef franc était mort dans un combat nocturne livré contre les Burgondes. Puis il ajouta : « Lorsque ton père eut rendu le dernier soupir, les chefs les plus renommés par leur courage se réunirent autour de son corps et convinrent que quelques-uns iraient vers toi après les funérailles et que tout serait disposé pour te recevoir dignement. On se souvient encore de ta valeur. On sait que malgré ta jeunesse, tu as laissé un nom redouté de nos voisins. Dès que les funérailles eurent été achevées, nous sommes venus, ainsi qu'il avait été dit. D'autres sont allés vers Ella, la fiancée de ton cœur, et tu la retrouveras au lieu que tu as quitté. Reviens donc avec nous, Ludovic. Tu seras honoré comme ton père l'a été, et tu commanderas comme lui au riche pays qu'il a conquis sur ses ennemis. » Ludovic regardait son interlocuteur avec stupéfaction. Tout ce qu'il voyait n'était point un rêve, c'était bien un guerrier franc qui lui parlait. Il le reconnaissait à la fois au costume et à l'idiome de sa nation. Il venait bien de la part de ses amis, puisqu'il avait parlé d'Ella et de son père. Cependant, il ne pouvait croire que tout cela fût vrai. Il craignait qu'il n'y eût sous ce dehors plein d'aménité quelque dessein caché. Et pour s'assurer d'une manière certaine que ces hommes étaient mus par des sentiments sincères d'affection et qu'ils s'acquittaient d'une mission dont on les avait véritablement chargés, il leur dit : « Si vous êtes réellement envoyés par Ella et par les amis de mon père, prouvez que vous ne me trompez pas et que vous dites la vérité. En croiras-tu l'anneau d'Ella et l'épée de ton père ?» demanda le plus vieux. « Je les en croirai, » dit Ludovic. Et comme on lui présentait l'anneau et l'épée, Ludovic les saisit avec une émotion haletante. « Ô mon père » s'écria-t-il. « Ô Ella !» Tous les spectateurs de cette scène n'osèrent ni élever la voix, ni faire un pas. Chacun respectait la douleur dont il était accablé. Cependant, le vieux guerrier franc s'approcha de lui. « Ludovic, » dit-il, « nous suivras-tu maintenant ?»« Oh !» dit Ludovic avec enthousiasme, « voilà bien l'anneau d'Ella, voilà bien l'épée de mon père. » « Partout où brilleront cette épée et cet anneau, j'irai. » Puis, se tournant vers le comte Erec, « Comte, lui dit-il, voici des guerriers qui vont m'escorter au pays des Francs. Pour votre royale et noble hospitalité, merci. Et si, dans l'avenir, le secours de quelques guerriers hardis et courageux vous était nécessaire, rappelez-vous que vous avez en moi un ami généreux et dévoué. » « Mon fils, répartit le vieux comte, ne parlez pas d'avenir à un vieillard dont les jours sont comptés, et qui ne verra peut-être pas se coucher le soleil qui se lève en ce moment. Vous êtes au commencement de la carrière que j'ai terminée, et mes pieds sont poudreux, et je suis loin de la route. Allez donc, la jeunesse, les plaisirs et les combats vous convient. Marchez droit dans le chemin que vous avez à parcourir. Allez devant vous sans trop regarder ce que vous laissez derrière. Le regret ne doit pas naître à votre âge. » Lodovic s'adressa alors au fils. « Alain, lui dit-il, je vais combattre les ennemis de mon père. Ils ont de nombreux troupeaux et nous leur enlèverons de riches dépouilles. Si ces expéditions lointaines tentent votre courage, venez avec moi et, je vous le jure, la place que vous occuperez sera digne de votre valeur. » Le regard d'Alain s'alluma à cette proposition, mais il se contint aussitôt et réprimant ce premier mouvement. « Je combattrai les ennemis de mon père et les miens, répondit-il. Je défendrai notre pays de l'Armor, et si les dépouilles que j'enlèverai à mes ennemis sont moins riches que celles dont vous parlez, du moins je ne quitterai pas le pays de mes ancêtres, et je mourrai là où ils sont morts. » Un festin somptueux fut aussitôt servi, et dès que les préparatifs du départ furent terminés, de nouvelles fanfares se firent entendre, et Lodovic et ses compagnons, ayant salué leurs hôtes, montèrent à cheval et s'éloignèrent. Piala les suivit longtemps du regard, jusqu'à ce qu'enfin elle les eût vus disparaître, prenant la voie romaine qui conduisait vers Kerès.